Bonsoir. Toujours en relation avec l'évolution de la psychologie évolutionnaire. Je veux regarder avec vous autres le rapport de l'ego avec les forces occultes. Ce que ça signifie pour l'homme. Ce que ça signifiera pour l'homme plus tard. L'importance de certains points d'observation qui découlent de l'expérience de certaines personnes pour le bénéfice d'autres. Si on le regarde du point de vue d'une conscience mentale, l'ego, c'est une quantité d'insuffisance. L'ego, c'est toujours une quantité insuffisante de lumière, d'intelligence. Par contre, c'est une particularité de l'homme, une particularité très importante de l'homme, qui doit être contrebalancée, agencée au cours de l'évolution, au cours de l'expérience, surtout de l'expérience occulte, afin que l'ego puisse venir en contact avec sa lumière, mais ne pas en souffrir. Et ça, c'est un tour de force. Quand je dis que l'ego, c'est une quantité insuffisante, je veux dire que l'ego, dans sa conscience primaire, c'est-à-dire dans sa conscience astrale, c'est une partie seulement de l'homme. Une partie de l'homme qui est fondée à la fois sur ses sens, et aussi à la fois sur son intellect, qui analyse le rapport entre l'énergie de ses corps subtils à travers ses sens. Au cours de l'évolution d'une psychologie évolutionnaire, où l'homme va prendre lentement conscience d'autres plans d'évolution, d'autres plans de conscience, la psychologie individuelle va énormément s'élargir, de sorte que l'homme ne vivra plus dans une conscience qui est techniquement prisonnière de la mémoire de sa race. L'homme vivra dans une conscience extrêmement fluide, de plus en plus fluide, qui éventuellement lui permettra de reconstruire le pont avec ses ancêtres, c'est-à-dire les forces qui lui ont donné cosmiquement naissance. Mais pour ça, dans ce processus-là, dans cette période de transition-là, qui va durer des siècles, sur le plan de la civilisation, mais qui va durer une vie sur le plan individuel, l'ego, l'homme, va devoir se protéger contre les forces occultes en lui, c'est-à-dire sa lumière, qui ne peut pas être absorbée tout d'un coup, parce que cette énergie-là est trop grande, et cette énergie-là aussi a un agenda. Que vous soyez conscient ou que vous soyez inconscient, les forces occultes, la partie incompréhensible de l'homme, ou la partie cachée de l'homme, la partie voilée de l'homme, a toujours son agenda. Quand je dis un agenda, je veux dire qu'il vous arrive des choses dans la vie dont vous ne vous étiez pas préparé. Cet agenda-là est préparé depuis longue date. Vous venez vous êtes à la naissance, déjà agencé pour certains événements, ce qu'on appelle une programmation. Dans le cas de l'évolution de l'âme ou de la psychologie évolutionnaire, ce serait important que l'ego soit capable de traiter avec l'agenda voilé de sa supraconscience. Et pour ça, ce sera nécessaire que l'âme en arrive à comprendre, surtout à travers une instruction, parce que une instruction, c'est comme un livre, c'est comme... c'est une science préparatoire, c'est donné justement à l'homme pour faciliter son évolution, mais aussi faciliter sa vie, lorsqu'il viendra un jour en contact avec des forces qui font partie de sa nature occulte. Alors, dans l'instruction, ma femme me faisait remarquer dernièrement des choses qui ont été dites dans l'instruction en 1984-85 et qu'on accomplit seulement en 1995. Donc, une instruction, c'est global. On ne réalise pas parce que on a tendance à venir en contact avec elle à travers l'intellect, à travers l'ego, à travers la partie inférieure de notre conscience. Mais quand on regarde par en arrière, qu'on regarde de manière rétroactive, 5 ans, 10 ans, 15 ans avant, on s'aperçoit que telle chose avait été dit, puis telle chose avait été dit. Donc, dans l'instruction, au fur et à mesure où elle se développera, je suppose qu'elle va se développer pendant très très longtemps, même si celui qui l'a parti ne sera plus là, il y a d'autres personnes qui continueront ce travail de développement pour comprendre réellement les mécanismes occultes de la conscience. Ce serait important pour l'homme de pouvoir, en tant qu'ego, se référer à cette science-là pour comprendre le plus vite possible sa relation avec sa source, donc avec les forces voilées qui font partie de sa supraconscience, afin de se protéger sur la Terre et de vivre une vie de plus en plus agréable. Si vous me demandiez personnellement, qu'est-ce que vous pensez, M. Bernard, je devrais-tu m'intéresser aux forces occultes, à l'occultisme, aux sciences occultes? Je vous dirais oui puis non. Je ne peux pas vous dire non, parce qu'il y a des choses trop intéressantes, trop évidemment intéressantes. Puis je ne peux pas vous dire oui non plus, parce que il y a des choses qui se passent. Quand l'homme vient en contact avec les dimensions occultes de sa conscience, qui font en sorte que ça a tendance plus à créer un désordre qu'un ordre. Et c'est normal qu'il y ait un désordre, parce que la conscience humaine de l'évolution est basée sur un ordre qui n'est pas réel. Donc, quand le contact vient avec l'homme, quand sa conscience s'ouvre à des forces qui ne sont pas encore comprises dans leur dynamique et dans leur structure interne, c'est évident que l'homme vit un désordre. Mais la science future de la psychologie évolutionnaire permettra à l'homme de se rétablir facilement, de comprendre relativement, rapidement, qu'il doit se protéger à partir du moment où il ouvre sa conscience à des domaines de vie dont il ne connaît pas le genre. Le plus grand problème des sciences occultes, je voudrais que vous écriviez ça sur votre petit papier, le plus grand problème dont fait face l'homme par rapport aux sciences occultes, que ce soit des sciences occultes qui viennent de l'Orient, de l'Occident, etc. Le problème fondamental, c'est que l'homme ne connaît pas l'agenda des forces occultes. Même sur le plan des forces noires, si on regarde simplement le mouvement nazi en Allemagne, Hitler ne connaissait pas l'agenda des forces occultes. Alors, l'homme ne connaît pas l'agenda des forces occultes, et ça, c'est un grand, grand, grand désavantage qu'il a par rapport à sa totale conscience. Et la seule chose qui va permettre à l'homme d'équilibrer ceci, d'équilibrer son ignorance de l'agenda des forces occultes, c'est sa capacité de contenir le temps de sa programmation. Si l'homme est capable de contenir le temps de sa programmation, autrement dit, si l'homme est capable, au cours de son évolution, de ne pas astraliser son énergie lorsqu'il vivra tous les détails de cet agenda voilé-là, qu'on appelle une programmation, qu'on appelle une initiation. À ce moment-là, l'homme en arrivera éventuellement à découvrir en lui une présence tellement grande que cette présence-là deviendra son bouclier. Cette présence-là deviendra sa force. Cette présence-là aura la capacité de suspendre l'inévitabilité astrologique de sa programmation. Mais l'homme, pour que l'homme en arrive à ceci, à ce stade de son évolution, il lui faudra pouvoir supporter le temps de sa programmation. Et ça, c'est pas facile parce que l'ego pense. Mais on a déjà signalé que l'homme, demain, au cours de l'évolution, aura réalisé que la pensée vient d'ailleurs. Une fois que tu as réalisé que la pensée vient d'ailleurs, et que tu es sous stress, sous pression, à cause d'un agenda voilé, qui en général te viole ta vie, de l'appel, de l'ordre, et ainsi de suite, à ce moment-là, tu es capable de ne pas te laisser astraliser au niveau de la pensée pour en arriver finalement à te fabriquer un lien extrêmement solide entre ta matérialité et les autres plans pour passer à travers ta programmation et éventuellement sortir victorieux de cette condition intuitive qu'on appelle la soumission de l'homme aux lois de la mort. Les forces occultes, ce sont des énergies qui n'ont aucune prétention en soi, dans ce sens que ce sont des mondes particuliers, dépendant du niveau avec lequel vous traitez. Vous pouvez traiter avec des forces occultes qui sont tellement de basse vibration, comme vous pouvez traiter avec des forces occultes qui sont de très très haut niveau. Ça dépend de l'évolution de l'individu, ça dépend du clan, ça dépend de votre conscience personnelle, ainsi de suite. On parle en général, en tout cas en ce qui nous concerne pour le moment, on doit parler des forces occultes qui font partie des mondes élevés de la lumière. Et ces mondes-là sont très, très... Ce sont des mondes qui sont très, très fermés, dans ce sens qu'ils ont un agenda qui n'est pas corrigeable. Vous pouvez corriger un agenda astral, mais vous ne pouvez pas corriger un agenda qui vient du plan mental. Parce qu'un agenda qui vient du plan mental, c'est un agenda qui est construit par votre esprit, votre doute, alors qu'un agenda astral fait partie des lois karmiques de l'évolution qui cherchent à vous rattraper pour une raison ou une autre afin de sceller un contrat qui est basé sur une évolution particulière sur la planète pendant un certain nombre d'années qui fait partie des connexions de in and out, de la vie et de la mort qui, selon chaque individu, font partie de son histoire personnelle. Mais sur le plan mental, l'agenda n'est pas... l'homme ne peut pas corriger un agenda qui est établi ou qui est créé par son esprit. Et ça, c'est une des... Ça deviendra, pour l'évolution, une des grandes découvertes de la science psychologique de l'ego. Et l'homme, un jour, en arrivera à pouvoir communiquer par télépathie avec son double, avec son esprit, et l'homme réalisera que dans cette communication-là, il existe une froideur extrêmement grande qui crée soit la sympathie ou l'antipathie totale par rapport à cette énergie-là. Un homme qui est en contact avec son esprit, avec son double, peut le haïr avec une haine très grande, comme il peut l'aimer avec un très grand amour, dépendant de la particularité de la vibration, dépendant de la sympathie vibratoire qui existe entre le mortel et cette intelligence-là sur un plan systémique quelconque. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on est réellement à l'aube de l'intelligence. Quand je dis qu'on est à l'aube de l'intelligence, je peux vous donner un parallèle, je peux vous dire qu'on est à l'aube de la science, on commence en science. Fait qu'on ne peut pas se permettre, même si on a des computers aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de penser qu'on est réellement à smart. On commence à être smart. Au niveau de la psychologie, qui est la plus grande des sciences, c'est la même chose, on commence à être smart. On n'a pas réellement de grande conscience de ce qu'on appelle le lien universel. Et la compréhension du lien universel, c'est la compréhension fondamentale, presque absolue, de ce qu'on appelle la psychologie, c'est-à-dire le rapport psychique entre l'homme et d'autres dimensions. Par contre, on a énormément de mémoire de race. On est catholique, on est juif, on est islamiste, on est hindou, bouddhiste. On a beaucoup de mémoire de race, donc on a des émotions qui ont été cultivées pendant des siècles et qui nous ont donné une manière extrêmement primitive de comprendre ce qu'on appelle l'absolu, c'est-à-dire la relation entre les mondes invisibles et la matérialité. On ne comprend même pas la mort. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est. De temps en temps, on va parler de la vie après la mort. On sait qu'il y a des gens qui sortent de leur corps, puis le cordon d'argent se coupe, ils sont morts. Mais comprendre la mort dans ses structures temporelles, spatiales, ça ne fait pas partie de notre science. comprendre la mort dans ses structures contemporaines, ça ne fait pas partie de notre science. Comprendre la mort en tant que phénomène spirituel, ça ne fait pas partie de notre science. Et savoir aussi que la mort, autrement dit, ce plan-là, ou ces plans-là, sont des mondes qui sont contrôlés par des forces qui sont techniquement anti-hommes, ça ne fait pas non plus partie de notre compréhension, parce qu'on a tendance à croire que dans la mort, on a des hauts plans, des beaux plans. Puis effectivement, il y a des hauts plans et des beaux plans dans la mort. Mais ce n'est pas parce que la mort, dans la mort, il y a des hauts plans et des beaux plans que les forces systémiques qui gèrent les âmes en évolution ne sont pas des forces anti-hommes. Qu'est-ce que c'est une force anti-homme? Une force qui est anti-homme, c'est une force qui, techniquement, se refuse de donner à l'homme le libre accès à la conscience systémique ou au monde systémique, en cultivant dans l'homme ou chez l'homme une conscience arriérée, c'est-à-dire une faculté de pensée qui est tellement primitive que l'homme vit au niveau psychologique dans une prison constamment. Et la prison de sa conscience, c'est toute la systématisation de sa pensée, fondée sur l'expression quasiment quotidienne de la mise en vibration d'une énergie foncièrement astrale qu'on appelle l'émotion, qui crée en l'homme, au cours de sa vie, les conditions particulières qui vont être utilisées quand il va sortir de son corps, puis il va retourner à la mort, et il va retourner à la mort en conscience astrale, au lieu de retourner à ce qu'on appelle la mort en conscience morontielle, donc en conscience immortalisée. Donc ça, ça fait partie de l'évolution. Il y a eu énormément d'abus qui ont été créés contre l'humanité, pendant de très grandes périodes de temps, autant sur le plan planétaire que sur le plan cosmique. Mais ces abus-là font partie de l'incertitude qui existe dans les mondes systémiques de pouvoir transférer à l'homme directement l'énergie fondamentale de sa conscience universelle, qui est l'énergie de son âme. L'homme n'est pas aussi conscientisable qu'on pense. L'homme n'est pas aussi grand qu'on pense. Et on a souvent l'impression que l'homme, si on lui donnait les atouts, les outils, deviendrait grand. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut que l'homme travaille à l'évolution de sa conscience pour pouvoir réellement, avec le temps et les siècles, réaliser jusqu'à quel point il est astralisable. Le problème de la conscience humaine, c'est tout au niveau de l'astralisation de sa conscience. Vous voyez des gens, des fois, qui gagnent 1 million, puis qui ne sont pas équipés pour traiter avec. Ils vont le dilapider. Ils vont boire de la bière. Ils vont s'acheter de la drogue, puis ils vont partir. Ils vont ruiner leur famille. C'est la même chose au niveau de la lumière. C'est la même chose au niveau de ce potentiel extraordinaire-là qui existe entre le lien universel et l'homme. Et ça va être très, très long pour que l'homme, ça fait d'ailleurs partie de l'évolution de la 6e race racine, et plus tard, de la 7e race racine, ça fait partie de l'évolution de la conscience de l'humanité qui permettra avec le temps, selon les individus, à l'homme de pouvoir travailler réellement en relation étroite avec des mondes parallèles. Sinon, l'homme, la conscience astrale vibre trop, et l'intelligence de l'homme s'effondre, et l'homme n'est pas capable de travailler avec ce qu'on appelait dans le passé les dieux, parce que l'homme est un être qui est impressionnant. Mais pourquoi est-ce qu'on est impressionnant? On est impressionnant parce qu'on n'a pas d'identité. Si vous regardez la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, avec la télévision, la musique, tout ce qui se passe, la conscience de l'homme moderne est tellement impressionnable que la capitalisation mondiale est responsable de la direction, de la façon de penser et d'être de l'humanité. Donc, si les chefs de corporation décident que cette année, les femmes s'habillent avec des petites jupes courtes, on s'en va dans un cycle de jupes courtes. Si on décide à CBC que le genre de musique qu'on va écouter, ça va être telle chose, le monde s'en va dans cette direction-là. Autrement dit, l'homme n'a pas d'identité. Et c'est très, très difficile pour un individu. Regardez ça chez vos enfants qui sont dans les écoles. C'est très difficile pour un individu de pouvoir prendre conscience de son identité dans un milieu qui ne convient pas à son intelligence. Très difficile. Alors, au niveau du contact entre l'homme et les mondes systémiques, c'est la même chose. Il faut que l'homme soit transmuté dans ses corps subtils. Il faut qu'il accède à une nouvelle psychologie. Une psychologie qui est réellement une révolution au niveau de la pensée. Puis une psychologie qui n'est pas basée sur des antécédents, mais qui est fondée simplement sur l'appointement d'une conscience créatrice sur le plan matériel. Si on fonde une psychologie sur des antécédents, on a simplement des réflexions. On ne fait que cultiver des erreurs antérieures, comme on fait, par exemple, quand on fait une thèse doctorale. Tu fais une thèse doctorale, si le gars fait une erreur avant toi, mais t'as rentré dans ton texte, puis l'erreur a continué, ainsi de suite. Tandis qu'avec une psychologie évolutionnaire, qui n'est pas fondée sur la mémoire de la race, l'homme sera obligé de découvrir, au fur et à mesure où il en expliquera les modalités, il sera obligé de découvrir le contour de cette psychologie-là, et finalement de s'instruire lui-même et l'humanité des nouveaux paramètres d'une condition évolutionnaire totalement neuve, fondée sur un agenda nouveau pour l'humanité, mais un agenda qui sera totalement relié à l'évolution de l'homme en tant qu'individu, et non pas de l'homme en tant que conscience collective. Si on se rapporte aux forces occultes qui sous-tendent la construction systémique du monde, de l'univers local, à travers des voies particulières qu'on appelle l'âme, à travers des plans particuliers qu'on appelle l'astral ou le mental, on s'aperçoit que il y a des mondes qui sont, pour l'humain actuel, tellement avancés, simplement sur le plan de la manipulation d'énergie ou de la forme, que l'homme, dans sa condition planétaire actuelle, ne peut pas facilement intégrer ces mondes-là, c'est-à-dire appuyer sa relation avec eux sur son centre ou ses centres personnels. Parce que ses centres ne sont pas développés. L'homme n'a aucune identité. Le but éventuel ou la fonction de la psychologie évolutionnaire, ce sera de donner à l'homme une identité, une très grande identité. Mais il y a toujours un prix à payer pour le développement d'une identité. Parce que quand tu développes une identité, automatiquement, tu t'octroies des facultés de pensée ou d'être qui vont à l'encontre de la masse. C'est normal. Tu ne peux pas penser comme la masse quand tu es individualisé. À ce moment-là, mais tu es obligé de vivre pendant un certain temps des expériences qui sont difficiles sur le plan de l'ego, qui sont difficiles sur le plan de ton moi planétaire. Parce que tu n'as pas l'intelligence pour éclairer ton intelligence. Tu as l'intelligence. Tu as une université, tu as un doctorat, une maîtrise en psychologie, en sciences, en génie, whatever, en politique. Mais tu n'as pas d'intelligence pour éclairer ton intelligence. Comme moi, si j'avais été un docteur en sciences politiques, puis je m'intéressais à la politique mondiale, et ainsi de suite. Bon. Pour avoir de l'intelligence qui éclaire mon intelligence, je suis obligé d'aller intérieurement et de dire, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer en Chine dans 25 ans? C'est quoi la relation entre la Chine et les États-Unis? La Chine et l'Europe? Il y a une possibilité de guerre. Fait qu'à ce moment-là, j'aurais une réponse qui éclairerait mon questionnement. Donc, une intelligence qui éclaire ton intelligence. Mais on n'est pas dans cette condition-là parce que on a perdu le droit au cours de l'évolution, au lien universel. Pour toutes sortes de raisons très, très intéressantes. On a perdu le droit au lien universel parce que je peux vous en donner quelques raisons. Une des raisons pour laquelle on a perdu le droit au lien universel, c'est parce que l'homme, au début, quand l'homme a été formé en conscience sur la terre et qu'il lui a été permis de vivre l'incarnation de l'âme, c'est-à-dire de supporter la présence ou le chevauchement d'une entité étrangère à sa nature humaine, à ce moment-là, l'homme, à un certain point, dans son évolution, au début, s'est refusé de traiter avec les forces occultes. Il ne voulait plus les subir, il ne voulait plus être commandé, Et ça, ça faisait partie de son développement au niveau de l'ego. Fait que ça, c'était bon. Fait que l'homme a dû développer un ego. Ça, c'était bon. Pour devenir indépendant d'esprit. Et par contre, en faisant ça, il était obligé d'annuler son lien. Parce que quand tu es en relation avec des forces systémiques, il y a un certain niveau de commandement qui s'exécute entre la partie mortelle et la partie immortelle. C'est normal, parce que tu as une plus haute vibration qui soutient une vibration inférieure. C'est une conscience très vaste qui, dans un sens, s'approprie d'une petite conscience extrêmement limitée et qui cherche à l'intégrer, à l'amener à elle pour l'absorber dans une unité qu'on appelle la fusion. Donc, à ce moment-là, l'homme, à un certain moment donné, a refusé commandement avec les plans. Puis, dans ce temps-là, les plans étaient beaucoup plus présents qu'aujourd'hui. Parce que dans ce temps-là, l'homme avait une conscience astrale très, très développée. Et l'homme vivait beaucoup plus dans un état de rêve que nous autres aujourd'hui. L'homme était plus dans le rêve. Il était utilisait facilement son corps astral. Alors qu'aujourd'hui, on n'utilise pas facilement le corps astral. On l'utilise le soir quand on se couche.